Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 17 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition. Signature ce dimanche d'un accord préliminaire entre le Burundi et la Tanzanie sur le début des travaux de construction d'un chemin de fer moderne reliant aux visas de la province de Kigoma et la province de Gitega au Burundi. Les habitants des quartiers Kigobe et Nyakabiga éprouvent des difficultés à traverser la rivière Nahangwa à cause du manque d'un pont les reliant. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Et dans la chronique sportive, nous parlons de l'organisation du championnat national de football en première division baptisé Primus League avec en toile de fond le non-respect du règlement d'arbitrage par certains arbitres. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Les habitants des quartiers Kigobe et Nyakabiga éprouvent des difficultés à traverser la rivière Nahangwa à cause du manque d'un pont les reliant. Ils sont du coup obligés de faire un détour pour passer par soit celui qui se trouve sur le boulevard Mwezi Gisabo, soit celui de la chaussée du peuple Murundi. Pour raccourcir le trajet, les plus courageux empruntent un sentier reliant ces quartiers par la Nahangwa. Mais avouent avoir peur de se noyer quand cette rivière déborde. Ils demandent aux autorités habilitées de leur construire un pont. Reportage Omer Douayou. C'est un sentier qui est utilisé par des piétons. Il relie les quartiers Kigwati de la zone Nyakabiga et le quartier Kigobe de la zone Gihosha en passant dans la rivière Nahangwa. Ce sentier passe à côté de l'Institut secondaire polyvalent. Après avoir serpenté la vallée de la rivière Nahangwa, permettant de rejoindre le quartier Kigobe, tout près de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, les rives de cette rivière ont une hauteur avoisinant les 15 mètres. Ce sentier est utilisé par beaucoup de personnes, y compris les élèves. Certains des usagers sont portés sur le dos pour pouvoir atteindre l'autre rive, moyennant une somme de 200 francs bou pour payer les porteurs. Ils affirment que c'est un raccourci utile. Lorsque je fais le contour en passant par la route principale, je marche plus d'une heure. Mais si je passe par ici, ça me prend 15 minutes seulement. Ça fait 3 ans que j'utilise ce sentier. Lorsque quelqu'un passe par ici pour la première fois, il doit payer 200 francs. Mais pour moi, nous sommes convenus avec les porteurs une somme de 150 francs que je paye en totalité à la fin du mois. Ce raccourci me facilite trop. Lorsque je vais à Bwiza ou au centre-ville en provenance de Kigobe, ça me prend peu de temps. Je paie 200 francs bou quand on me fait traverser et je reste avec une certaine somme d'argent. Qu'on y construise un pont pour nous faciliter. Ceux qui font cette initiative de porter les gens sur le dos affirment qu'ils le font pour aider les usagers de ce sentier. Parce qu'il n'y a pas de pont qui enjambe la rivière à cet endroit. Beaucoup de gens empruntent ce sentier. Lorsqu'il pleut, la rivière déborde. À ce moment, notre travail de faire traverser les gens commence. Nous faisons ce travail ici étant au nombre de 10 et chacun gagne quelque chose. Ils demandent qu'à cet endroit, l'on puisse y construire un pont pour faciliter la circulation, d'autant plus que beaucoup de gens empruntent ce chemin. Merci Omer Ndouayou. L'Assemblée nationale du Burundi, réunie en plénière ce lundi, a analysé et adopté les amendements du Sénat sur le projet de loi portant statut des agents de la police nationale. Que l'agent de la police soit un Burundais d'origine est l'un des amendements rejetés. Le budget annuel alloué à l'Université du Burundi s'élève à 26 milliards de francs en burundais. Le gros de cette somme étant destiné au paiement des salaires des professeurs. C'est ce que dit le recteur de cette institution universitaire qui précise que cette université accueille plus de 14 000 étudiants répartis dans plus de 15 facultés. Il ajoute que cette université manque toujours d'enseignants. Suivez le professeur Sanctus Nilagira. L'Université du Burundi aujourd'hui compte au total 15 unités d'enseignement recherche, 8 facultés et 7 instituts avec une école doctorale. Nous avons des effectifs d'étudiants de 14 000 et un peu plus qui sont répartis dans les 3 cycles de formation. Cycle de formation de baccalauréat avec 13 869 étudiants, le cycle de master avec 522 étudiants et le cycle cycle de doctorat avec à peu près 150 étudiants. Concernant le budget alloué à l'université, nous avons un budget qui dépasse légèrement 25 milliards et ce budget est utilisé pour la plupart pour le paiement du personnel qui est utilisé ici à l'Université du Burundi, surtout les professeurs et le personnel d'appui. Une autre partie de ce budget est utilisée dans la réhabilitation des infrastructures, mais aussi dans la construction de nouvelles infrastructures. Plus on augmente les facultés, plus on doit construire de nouvelles infrastructures comme les salles de classe. Une autre partie du budget est utilisé dans la maintenance des équipements, mais aussi dans l'approvisionnement des consommables ici à l'Université du Burundi. C'était le professeur Sante Suniragira, recteur de l'Université du Burundi. Il est 13h02 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans les titres, signature ce dimanche d'un accord préliminaire entre le Burundi et la Tanzanie sur le début des travaux de construction d'un chemin de fer moderne reliant Uvinza dans la province de Kigoma en Tanzanie et la province de Gitega Burundi. Ce projet devrait contribuer à la redynamisation de la coopération économique entre ces deux voisins. Mireille Kanyange a exploité certains documents relatifs à ce projet. Elle vient de me rejoindre au studio. Première question, Mireille, quel est le linéaire de ce chemin de fer? Oui, Jean Bosco, selon ces accords, ce chemin de fer en linéaire de 282 km, c'est un chemin de fer qui sera construit en deux parties. La première partie, ce sera Uvinza Malagalasi sur le territoire tanzanien de 156 km. Et la seconde partie, ce sera de Malagalasi à Musongati, via Musongati vers Gitega, et c'est pour 126 km. Et les parties signataires de ces accords, parle-nous-en. Les parties signataires, c'est le gouvernement burundais et le gouvernement tanzanien. Eh bien, la délégation burundaise a été conduite par le ministre burundais ayant les infrastructures dans ses attributions. C'est le ministre Deogracia Sansangani Umwami et accompagné du ministre burundais des Finances, Domitien Ndihukubwa Yosese, du côté burundais. Et pour le côté tanzanien, ces accords ont été signés par le ministre ayant les infrastructures et le transport dans ses attributions, et c'est M. Makame Mbarawa. Est-ce que le budget général de l'État 2021-2022 prévoit une enveloppe pour ce linéaire? Oui, Jean Bosco, j'ai visité le budget de l'État de cet exercice 2021-2022 en ce qui est du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Il y a une enveloppe pour le projet Chemin de fer Uvinza Musongati, et c'est 1,143 milliard de francs burundais. Et pour le second projet, le chemin de fer Gitega RDC, le gouvernement burundais prévoit une enveloppe d'1 milliard de francs burundais. Et ces milliards, donc, c'est pour la construction de ce chemin de fer? Oui, c'est d'abord ces accords, Jean Bosco, ça concerne Uvinza jusqu'à Gitega, mais en général, le chemin de fer, c'est Uvinza vers Uvira en RDC. Merci Mireille Kanyange pour toutes ces précisions. Et puisqu'on parle d'infrastructures, certains automobilistes qui empruntent souvent les rues de la zone Guéochet et du centre-ville se disent contents des travaux de construction en cours sur les routes situées à l'avenue Inghondo, près de l'église anglicane et sur la route près de l'immeuble oldiste. Et toutefois, ils voudraient que ces routes soient praticables dans les plus brefs délais pour éviter les nombreux détours. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans le reste de l'actualité internationale, avant la chronique sport, au Soudan, la mobilisation contre le pouvoir putschiste continue. Les médias visés par les autorités. Ce dimanche 16 janvier, des médecins ont protesté contre les attaques d'hôpitaux par les forces de sécurité pendant les manifestations Et la société civile appelle à descendre à nouveau dans la rue ce lundi 17 janvier pour protester contre le régime militaire alors que les autorités ont retiré samedi l'accréditation d'Al Jazeera Moubacher, pardon, une des chaînes du groupe Qatari, ainsi que celle de ses correspondants sur place, spécialisés dans la retransmission d'événements en direct, faisant du tout image, sans commentaire. La chaîne avait suivi les manifestations anti-push des derniers mois, des manifestations réprimées dans le sang qui ont fait 64 morts à ce jour. Le ministère de l'Information a dénoncé samedi, dans une lettre, une couverture non professionnelle des événements au Soudan sur la chaîne d'Al Jazeera. Et la mort de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta ce dimanche a suscité de nombreuses réactions, saluant un homme dopé de dialogue, de culture aussi. Chefs d'État africains et occidentaux ont présenté leurs condoléances au peuple malien et à la famille de celui que l'on surnommait Ibeka. Il s'est éteint à l'âge de 76 ans dans sa résidence de Bamako. Ibrahim Boubacar Keïta est mort un an et demi après avoir été renversé par les militaires et remplacé par le colonel Assimi Goïta, ancien chef d'un bataillon de forces spéciales et chef de la junte qui défie aujourd'hui une partie de la communauté internationale. Place maintenant à la chronique sport. Radio Isanganiro, chronique sport. Certains arbitres qui ne respectent pas le règlement d'arbitrage, c'est le défi majeur constaté dans l'organisation du championnat national de football en première division, baptisé Primus League. Alexandre Mouyenge, président de la Fédération burundaise de football, FFB, déplore la croyance aux fétiches dans ce championnat, tout en précisant qu'une commission chargée de lutter contre ces croyances a été mise en place. Marie-Claire Cazenez. Les amateurs burundais qui se lamentent sur l'arbitrage et le défi observé plus souvent dans l'organisation du championnat national de football en première division, baptisé Primus League. Explication du commissaire de police Alexandre Mouyenge, président de la Fédération burundaise de football, FFP. Les défis sont, certains se lamentent par rapport aux arbitres, par rapport aux organisations. Tu vois, on peut reporter un match peut-être 3 jours, 4 jours avant. Alors, c'est sûr qu'une des deux équipes va se lamenter. Oh, pourquoi vous avez fait ça alors que j'étais déjà organisé comme ça? Et il y a d'autres lamentations, mais qui ne sont pas très alarmantes. C'est le mal dans la société, c'est comme ça. Mais vraiment, le gros effet, l'organisation, je peux dire que c'est au top. Ce président de FFB déplore aussi l'existence de la croyance des fétiches dans ce championnat, tout en précisant qu'une commission juridique chargée de lutter contre ces croyances a été mise en place. C'est vraiment regrettable et nous devons lutter contre ça. Souvent, lorsqu'on est au terrain, on voit certains comportements qui sont en dehors de notre football. Vous êtes témoin, certaines équipes refusent d'aller au vestiaire alors que le règlement est là, mais les équipes bafouent, ne veulent pas entendre parce que le problème qu'ils ont, la croyance de ces fétiches, moi je ne crois pas à ça parce que si les fétiches jouaient, nous allions évoluer à un échelon supérieur par rapport au niveau actuel. Il exhorte les joueurs burundais de jouer le football avec la discipline en visant dans l'avenir. Les conseils sont nombreux, mais d'abord je pouvais plaider surtout pour la discipline, oui, parce que sans discipline, tu ne peux rien faire. Surtout à nos jeunes joueurs, qu'ils visent d'abord l'avenir. Parce que en jouant au Burundi, je peux dire qu'on ne gagne presque rien. Alors, qui ne joue pas pour seulement jouer, pour faire plaisir au public sportif? Non, qu'ils jouent en visant loin. Il y a leurs aînés qui sont déjà en Europe, en Asie, ici en Afrique, où le football est déjà développé, qu'eux aussi puissent ouvrir leurs yeux, qu'ils regardent leurs aînés, parce que c'est leur développement, c'est leur avenir. Quant aux entraîneurs, Alexandre Mouyenge leur conseille d'éduquer les joueurs de leurs équipes respectives en se focalisant sur le professionnalisme. Merci Marie-Claire. Cazenez en termine ce journal par cette analyse. Les accords de coopération entre le Burundi et l'Égypte adoptés la semaine dernière par l'Assemblée nationale sur la construction des barrages de collecte des eaux de pluie pourraient contribuer à augmenter la production agricole à travers l'irrigation. Analyse d'Armer Moto, les journalistes à notre station. Il souligne par ailleurs l'important de surveiller la mise en application de ce projet pour qu'il soit effectivement profitable au pays et de se rassurer qu'en cas de besoin en eau, le Burundi n'aurait pas de difficulté de pouvoir exploiter l'eau des rivières. La gestion des eaux du Nil a été sujet d'accords depuis très longtemps. Déjà en 1929 a été conclu des accords historiques de la Grande-Bretagne avec l'Égypte, statuant sur le partage des eaux du Nil. L'accord prévoyait le partage du débit du Nil, estimé à cette époque à 84 milliards de mètres cubes par an. et l'Égypte a hérité 57% de ses eaux contre 5% pour le Soudan, le reste se jetant à la mer Méditerranée. Ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'avec ces accords, l'Égypte devrait donner son aval à l'utilisation de ses eaux par les autres pays. Remarquez que ces accords excluent le reste des pays riverains du Nil, ce qui a suscité des contestations, notamment de la part de l'Éthiopie, qui fournit plus de 80% des eaux du Nil à travers le Nil bleu, qui prend source dans les plateaux de l'Éthiopie. L'Éthiopie a fait valoir son droit d'exploiter aussi les eaux du Nil pour son développement. Vous savez que l'Éthiopie a construit le plus grand barrage depuis 2011, barrage hydroélectrique sur le Nil, un barrage qui va fournir environ 6500 MW. Ce projet a suscité des tensions et des divergences, notamment avec l'Égypte, qui craint de voir une diminution des eaux du Nil de son côté. Je rappelle que l'Égypte dépend pour ses besoins en eau à plus de 90% des eaux du Nil. C'est dans ce contexte donc que en 1999 a été lancée qu'on appelle l'initiative du bassin du Nil, regroupant 10 pays dont le Burundi, afin de voir comment gérer cette eau, afin d'éviter tout conflit réel ou potentiel portant sur l'eau dans le bassin du fleuve. C'est donc dans ce contexte qu'a été initié des accords de coopération entre le Burundi et l'Égypte pour l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources hydriques au Burundi, un projet adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Quels sont les enjeux? D'abord, dans cette région du bassin du Nil, il y a un enjeu démographique et économique. La population autour du bassin du Nil est d'environ 350 millions de personnes. Et on estime que d'ici 2050, cette population atteindra le milliard, selon le PNUD. Donc ces pays ont un défi de pouvoir nourrir cette population. Et donc une des façons, c'est de pouvoir augmenter la production agricole à travers l'irrigation. La construction des barrages de collecte des eaux de pluie sur les toits des maisons et la canalisation des eaux vient répondre à la volonté du gouvernement d'augmenter la production agricole, notamment par l'irrigation, mais aussi la politique de protection des infrastructures en luttant contre l'érosion et les inondations. Donc la construction de ces barrages de collecte d'eau va répondre premièrement à la question d'augmenter la production agricole et de deux, la question de protéger l'environnement et les infrastructures qui sont menacées de temps à autre par des inondations ou l'érosion des terres. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il faudra veiller à ce que ces travaux de construction de barrages soient exécutés d'une bonne manière pour éviter la situation du barrage d'Okadje qui est récemment, où on estime que l'État a décaissé plus de 12 milliards de francs burundais, mais qu'on n'a pas pu avoir, on n'a pas pu voir les résultats. Analyse de notre confrère sur cette station, Armer Mutore. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Je rappelle la grande information, signature ce dimanche dans un accord préliminaire entre le Burundi et la Tanzanie sur le début des travaux de construction d'un chemin de fer moderne reliant Uvinza dans la province de Kigoma et la province de Kitega au Burundi. Il devrait être long de 282 km. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Séraphine Hakizimana au micro Jean-Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.